Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Le Bitcoin était une formidable invention, une crypto-monnaie qui allait tout révolutionner, vantée par tous et toutes, y compris Nabila. Depuis quelques années, on m'appelle Bitcoin Jesus. Mais je ne crois pas en Dieu. Je crois juste aux mathématiques et c'est l'essence du Bitcoin. Même si vous y connaissez rien, ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup. Genre, vous investissez des petites sommes. Genre, moi, j'ai dû mettre à peu près 1000 euros. J'ai gagné 800 euros. Mais vous pouvez faire beaucoup moins. Après, le Bitcoin, en fait, c'est comme un investissement puisque c'est de l'argent qu'on peut toujours récupérer. C'est de l'argent virtuel. Il est arrivé que la monnaie perde le tiers de sa valeur. En un jour. Le Bitcoin a perdu presque 30% là, au plus bas du jour en quelques heures seulement. Le Bitcoin qui est passé sous les 10 000 ce matin pour la première fois depuis le 1er décembre dernier. Et puis tout simplement, vous voyez sur un forum un message du fondateur qui vous indique que c'est fait hacker par on ne sait quel moyen et qu'il n'a plus aucun argent. Donc voilà, en gros, vous pouvez pleurer et puis ça s'arrête là. Alors, allô, quoi? Puisque ce Bitcoin qui valait 20 000 euros, il est passé aujourd'hui à 3 500 euros. C'est-à-dire qu'en se débrouillant bien, eh bien, on a pu perdre jusqu'à 90% de son investissement. Bonjour, Odile Lakomski-Laguerre. Vous êtes maître de conférence à la Faculté d'économie et de gestion de l'Université de Picardie, Jules Verne. Alors, du point de vue de ceux qui ont investi, le Bitcoin est un véritable super fail. Bonjour. Oui, on peut dire ça d'une certaine manière. Oui, effectivement, pour tous les épargnants qui ont cru dans un nouvel Eldorado ou dans une nouvelle manière de gagner très rapidement de l'argent, d'investir ses économies et voilà, que ça fructifie très très vite, oui, c'est un véritable échec. En même temps, pour ceux qui connaissent un peu l'économie et la façon dont fonctionne la finance, on pouvait aussi s'y attendre compte tenu de la hausse excessive et l'envolée faramineuse du Bitcoin en décembre de l'année dernière. Alors voilà, c'est là-dessus qu'il faut revenir. Il y a eu une véritable bulle. Alors une bulle qui a été d'ailleurs tellement rebondie comme bulle qu'il y avait même de faux comptes. Alors là, c'était encore plus clair et transparent, si j'ose dire, puisque les gens investissaient sur des plateformes en pensant investir dans du Bitcoin et ils investissaient dans du vent. Donc au moins tout argent investi était de l'argent perdu à 100%. Donc ça, on met ça de côté. Pour le reste, Odile Lakomski-Laguerre, il faut tout d'abord expliquer ce qu'était le Bitcoin, ce qu'est toujours d'ailleurs le Bitcoin. Oui, ce qu'est toujours le Bitcoin. Alors le Bitcoin, en fait, c'est l'issue heureuse et avec succès d'une série d'expérimentations qui ont démarré au début des années 80 dans le milieu des cryptographes anarchistes aux États-Unis et qui ont tenté d'édifier une monnaie intraçable sur le net. Alors intraçable, c'est-à-dire en gros, qui permettrait aux gens d'effectuer des paiements sans pour autant fournir des données personnelles, donc en se protégeant surtout de l'omnicontrôle de l'État et d'une traçabilité par les comptes bancaires. Alors, ça c'est quand même très compliqué de comprendre ce que ça veut dire, parce que d'ordinaire, une monnaie, elle est émise par un État. Qu'est-ce que ça signifie ? Une monnaie qui n'est pas émise par un État, généralement, donc, c'est l'État qui garantit la monnaie. Et la monnaie a un lien avec le caractère dynamique ou pas dynamique d'une économie. Qu'est-ce que ça signifie, Odile Lakomski-Laguerre, une monnaie qui est détachée de toute forme étatique? Alors, on a l'habitude de penser avec les schémas qui sont largement dominants. C'est vrai que aujourd'hui, depuis longtemps, on a l'habitude de fonctionner effectivement avec des monnaies qui sont centralisées et avec des monnaies qui sont émises par l'État. Alors, en l'occurrence, dans la période plus contemporaine, c'est quand même moins émis par l'État que par des banques centrales indépendantes. Hein, je rappelle quand même ce point qui est important. Mais l'émission de monnaie est quand même centralisée, effectivement. Et puis, in fine, garantie par l'État, au moins de façon symbolique. Et puis, en dernier recours, effectivement, le budget de l'État peut venir en garantie ultime, si vous voulez, lorsqu'on doit renflouer le système bancaire, etc. Bon. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. On a eu dans l'histoire des monnaies plusieurs types d'émissions, plusieurs types de régimes monétaires, et ça n'a pas toujours été forcément centralisé. Donc ça heurte un peu nos esprits, cette manière d'émettre la monnaie, effectivement, qui est largement décentralisée via un réseau. Hein. C'est un peu comme Internet. Bon, ce sont des réseaux de pair à pair là qui font fonctionner la monnaie et qui valident les transactions en faisant tourner des ordinateurs, etc. Oui, ça heurte un peu les esprits, mais l'économie de manière générale est en mouvement. La monnaie est une institution fondamentale du système économique et comme toute institution, elle est en évolution. Et voilà, c'est pas forcément une forme finie. Donc il peut y avoir des contestations, il peut y avoir des évolutions possibles de ces institutions monétaires en fonction de la légitimité à un moment donné de la monnaie. Alors justement, vous avez prononcé le mot légitimité, mais qu'est-ce qui vous empêche, Odile, de créer le Odile Lakomsky, qui serait donc votre devise? Qu'est-ce qui distingue finalement un émetteur légitime d'un émetteur qui ne le serait pas? Et dans quelle mesure le Bitcoin, il y a d'ailleurs d'autres crypto-monnaies, est considérée comme étant une monnaie ou non légitime? Alors, en fait, se pose la question effectivement de l'adhésion à la monnaie et de la confiance dans la monnaie. Alors, la première forme d'adhésion la plus évidente, c'est que pour qu'on puisse se servir largement de la monnaie, il faut d'abord qu'elle fonctionne et qu'on soit sûr qu'elle fonctionne. Donc, ça veut dire quoi, fonctionner? C'est-à-dire que lorsque vous effectuez vos paiements, vous ne posez pas de questions sur le dénouement de la transaction. D'accord? C'est-à-dire, est-ce que le commerçant va accepter, voilà, par exemple, mon paiement? C'est-à-dire qu'il faut que ça soit largement accepté au sein d'un réseau d'échanges suffisamment large. Donc là, vous avez une question d'effet de seuil et d'effet de réseau. C'est-à-dire que plus la monnaie est utilisée et plus on va l'utiliser. Voilà. Donc, ça, c'est le premier stade. C'est ce qu'on appelle, dans la théorie institutionnaliste française, la confiance méthodique. Voilà. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. Bon. Le réseau Bitcoin est assez robuste de ce point de vue-là, puisque le dénouement des transactions est assez sûr, est assez sécure. En revanche, c'est vrai, il y a eu des problèmes d'engorgement du réseau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour effectuer une transaction et dénouer une transaction, ça pouvait prendre du temps, ou alors ça demandait des frais de transaction un peu plus importants que ce qui était annoncé au départ comme étant tout à fait négligeable. Ça veut dire aussi que le Bitcoin, alors je sais bien que je peux payer dans certains bureaux de tabac, mais pour le reste, la plupart des commerçants en France vont refuser d'être réglés en Bitcoin. Est-ce qu'on peut considérer que le Bitcoin est une devise s'il est accepté dans très peu d'endroits? En fait, le problème du Bitcoin, c'est que c'est pas vraiment une monnaie puisqu'elle n'a pas encore cet effet de réseau que supposerait la monnaie. Voilà, c'est pas assez large comme diffusion ou comme acceptation. Et la principale raison pour laquelle ça n'a pas pu se diffuser, ça n'a pas pu s'élargir, la raison pour laquelle les commerçants n'ont pas massivement adopté cet instrument de paiement, on va dire, c'est tout simplement parce que quand vous avez un phénomène de bulle et d'envolée du cours, et comme il y a un taux de change entre le Bitcoin et les monnaies officielles, eh bien, lorsque vous facturez vos produits en Bitcoin, mais que vous payez vos coûts de production en monnaie officielle, vous avez un risque de change qui est d'autant plus énorme que le cours du change est très volatile. Donc ça, c'est hautement problématique. Donc en fait, le Bitcoin a d'une certaine manière été victime d'une forme de financiarisation, enfin pas d'une forme, d'un processus de financiarisation de son écosystème. Alors, avant de nous expliquer ce processus de financiarisation, juste pour que je comprenne bien, quelle est la différence entre un paiement en dollars ou en euros et un paiement en Bitcoin? Si j'ai un problème pour un règlement en dollars, si le dollar est attaqué, on peut imaginer que le dollar sera soutenu par la Banque centrale américaine. Une monnaie qui n'a pas de banque centrale, qui pourrait la soutenir, Odile Lakomsky-Laguerre? C'est toute la réflexion, à mon avis, qu'il faut engager sur le fonctionnement à l'heure actuelle des réseaux, justement, des communautés de réseaux. En fait, je pense que il suffit pas de balayer d'un revers de main la question du Bitcoin sous prétexte que ce n'est pas centralisé. Il faut au contraire essayer de comprendre sur quoi va pouvoir se reporter la confiance. Si ce n'est pas dans une institution centrale. Donc, ça va être dans quoi? Alors, ça va être, et ça, c'est en grande partie ce que disent les partisans du Bitcoin et ceux qui adhèrent au Bitcoin et qui font partie de cette communauté. En grande partie, la confiance se reporte sur la robustesse des mathématiques et de la cryptographie. C'est In Cryptography We Trust. Donc, c'est d'abord la confiance dans la technique. C'est pour ça que c'est quand même très, très techno, cette monnaie. C'est très techno-utopiste. Donc, c'est une foi dans la technologie, dans la robustesse des mathématiques et de la cryptographie. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Dans un deuxième temps, c'est la confiance dans une communauté en général et dans une organisation en réseau. Bon, si ce n'est pas une institution centrale qui garantit la monnaie, c'est le réseau qui peut le faire, c'est la communauté qui peut le faire. Donc, qui forme cette communauté? C'est ça la question qu'il faut se poser. Quels sont les gens qui composent cette communauté? Ben, il y a des développeurs, des mineurs, des utilisateurs, et en fait, toute la robustesse du réseau Bitcoin et de la monnaie Bitcoin, c'est dans la capacité des développeurs et des mineurs à sans cesse essayer de faire progresser cette monnaie et de la rendre plus efficace. Alors maintenant que vous nous avez présenté le Bitcoin, Odile Lacomski-Laguerre, vous avez dit cette monnaie a été finalement victime de sa financiarisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire que c'est un petit peu ce qu'on a observé avec la bulle des valeurs Internet un peu avant les années 2000. Lorsque vous avez une innovation technologique, en général, ça chamboule tout, les structures de marché, les repères que vous pouvez avoir, la valorisation des produits. Comment valoriser une innovation quand on n'a pas de repères, quand c'est du radicalement nouveau? On n'a pas de repères par rapport à une histoire passée. Donc, c'est difficile de valoriser. C'est ce qui s'est un peu passé avec le Bitcoin. Là, je suis en train d'expliquer, en fait, la bulle, hein, le processus d'envoler des cours et de bulles. C'est-à-dire que à partir du moment où on a du mal à évaluer ce qu'est cet objet, c'est pas vraiment une monnaie, c'est pas vraiment un actif non plus, ben, on a du mal à le valoriser. Bon, donc on n'a pas de repère, de valeur objective qui puisse ramener les prix à quelque chose d'ancré, si vous voulez. C'est justement ça qui est très compliqué à comprendre dans les phénomènes monétaires. Quelle est la valeur objective de l'euro ou du dollar? Alors, il y a deux choses. Il y a, si vous raisonnez dans un circuit fermé, c'est-à-dire si vous prenez l'euro dans la zone euro, la valeur de l'euro, c'est très simple à définir de façon économique, c'est la valeur relative de la monnaie par rapport au prix des marchandises qu'elle achète, c'est-à-dire c'est le pouvoir d'achat de la monnaie. D'accord ? Voilà. C'est ça la valeur de la monnaie. Bon, ça vient de l'équation des échanges. La monnaie permet d'acheter les biens et services, donc c'est le prix relatif de cette monnaie par rapport au prix des biens et services. C'est le pouvoir d'achat. Maintenant, si on raisonne en système ouvert, c'est-à-dire si on définit la valeur de l'euro dans une économie mondialisée où il y a des échanges extérieurs, ça veut dire que l'euro est face à d'autres devises et dans ce cas-là, l'euro a un taux de change avec les autres devises. Bon, et la valeur de la monnaie par rapport aux autres devises, dans ce cas, c'est le taux de change. Voilà. D'accord. Et il y a toute une théorie explicative du taux de change. Et alors, ce qui est facile dans le cas d'une devise nationale ou d'une devise comme l'euro, c'est que dans le cas de la valeur du pouvoir d'achat, bon, ben vous avez toute une théorie explicative de ce pouvoir d'achat, du niveau général des prix, etc., avec des systèmes d'indices de prix, etc. C'est assez facile à identifier. Même chose pour le taux de change, même si parfois il peut y avoir des complications, mais quand même, fondamentalement, à quoi on peut se référer pour déterminer le taux de change d'une monnaie? À tout un tas de fondamentaux qui se ramènent à l'économie domestique, à l'économie nationale, ou bien à la zone, par exemple la zone euro, c'est-à-dire la santé financière, le niveau d'inflation, le dynamisme de l'économie. Bon, voilà, il y a tout un tas de fondamentaux auxquels on peut se raccrocher. Et oui, et ça, vous ne les avez pas du tout, évidemment, non. Avec évidemment, le Bitcoin. Évidemment, non. Et alors, donc, du coup, d'où l'ambiguïté que vous soulignez tout à l'heure, puisque finalement, on ne sait pas si le Bitcoin est un bien, un actif, si c'est du vent, parce qu'il y a eu des spéculations sur les bulbes de tulipes, non pas que les tulipes soient du vent, mais on voit bien qu'elles ne sont là qu'accidentellement. Les tulipes ne peuvent pas être considérées comme un actif économique, un actif productif. Est-ce que c'est cela, en fait, qui explique le fait que le Bitcoin se soit envolé, dit Lacomski-Laguerre, puisque finalement, pour qu'il s'écrase lamentablement à 10% de sa valeur précédente, il faut qu'il soit monté très très haut. Oui, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Alors, le premier élément, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que c'est une innovation qui est assez radicale, c'est-à-dire qui bouleverse un certain nombre de choses. Et dans ces cas-là, on a du mal à donner une évaluation fondamentale. Mais de manière générale, en finance, la question de la valeur fondamentale est assez problématique. Mais quand même, lorsqu'on identifie des actifs, on peut quand même avoir un certain nombre de données objectives qui permettent de raccrocher le prix à quelque chose d'assez tangible. Dans le cas d'une innovation radicale, c'est beaucoup plus compliqué. On a du mal à évaluer. Et donc, les prix peuvent partir à la dérive, dans le sens de la hausse, comme dans le sens d'une baisse très très forte. Bon, parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, de données objectives auxquelles on peut se raccrocher et qui permettent d'ancrer les prix. Bon, ça c'est la première chose qui explique la bulle. La deuxième, c'est que en 2015 à peu près, je crois, je me souviens plus très bien en quelle année était paru The Economist qui, en gros, mettait en lumière en première page la révolution blockchain, etc. Alors, ce qu'on a fait assez rapidement. La blockchain, rapidement, juste pour le rappeler en deux alors, mots, en fait. Je rappelle. La blockchain, c'est la technologie qui a été inventée avec le Bitcoin par Satoshi Nakamoto. C'est en fait un grand registre public sur lequel sont enregistrés les blocs de transactions. Les blocs sont enchaînés logiquement les uns aux autres par des propriétés mathématiques. Mmh. Et en fait, c'est ce qui permet, donc à chaque fois que vous faites des transactions en Bitcoin, le réseau vérifie que vous êtes bien propriétaire des bitcoins que vous avez envoyés à quelqu'un et que vous avez bien sur votre portefeuille virtuel le montant de bitcoin qui correspond à la transaction. Donc le réseau est censé vérifier le fait qu'il n'y a pas une double dépense et que la monnaie numérique que vous envoyez n'a pas été dupliquée. Bon. Et donc, il le fait en faisant tourner des ordinateurs et une fois que tout est validé, authentifié, sécurisé, la transaction est enregistrée, donc les transactions sont enregistrées par bloc sur cette blockchain. Bon, donc c'est la technologie en fait qui va avec le Bitcoin. Ça, c'est important de le rappeler parce que en fait, la blockchain du Bitcoin est publique, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder à cette blockchain, tout le monde peut regarder. Donc, ce qui est en quelque sorte un gage absolu. C'est un gage de sécurité. C'est un gage de robustesse du réseau, effectivement. Mais on a très rapidement dissocié le Bitcoin de cette blockchain, en voyant dans la blockchain d'autres applications possibles que uniquement les transactions monétaires. Et en fait, on a mis en exergue cette technologie blockchain comme étant la prochaine révolution après Internet, etc. Les entreprises se sont engouffrées dans cette... Oui, c'est devenu l'un des mots les plus à la mode. Voilà, et on fera bientôt un super très hype, sur Dès qu'une entreprise mettait blockchain dans sa chaîne de valeur, tout de suite, ça prenait effectivement une valorisation importante. Le Bitcoin était un très mauvais investissement pour ceux qui l'ont acheté très haut et qui aujourd'hui se retrouvent avec un cours très bas. Faut-il pour autant jeter le Bitcoin avec l'eau du bain? Je ne crois pas, pour deux raisons. Un, parce que c'est une innovation technologique jeune, qui est toujours en évolution. C'est-à-dire que derrière cette technologie, vous avez quand même une communauté qui est extrêmement active. Bon, alors elle prend un peu la forme aujourd'hui d'une start-up, hein, mais c'est une communauté qui est très, très active et qui est sans arrêt en train de réfléchir à des implémentations, des améliorations du process, du réseau, des innovations de manière à rendre la monnaie plus efficace. Donc, c'est toujours un domaine en pleine ébullition d'un point de vue innovation. Voilà. Ensuite, je pense que on peut pas faire de bonne économie sans faire un peu d'histoire. Et il faut toujours regarder en arrière ce qui s'est passé dans l'histoire économique en général et là, dans l'histoire des monnaies en particulier. Une forme monétaire a toujours mis beaucoup de temps à s'imposer. La monnaie bancaire a pris énormément de temps à s'imposer. Et je rappelle juste que la monnaie bancaire est arrivée en France. Hein, les billets de banque sont arrivés en France avec la banque de John Law. Ça c'est la mise en ça place. Ça s'est pas très bien passé la mise d'ailleurs. En place. Mais oui, ça s'est pas très bien passé. La mise en place de la banque de l'eau s'est accompagnée d'une vague de spéculation aussi et d'une faillite. Il n'empêche que c'était la première tentative de mise en place d'une monnaie bancaire. Bon, il faudra attendre un petit peu de temps avant que les Français réadoptent le billet de banque, mais n'empêche que le billet de banque a fini par s'imposer. Merci beaucoup Odile Lacomski-Laguerre. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à la faculté d'économie et de gestion de l'université de Picardie, Jules Verne à Amiens. Vous êtes chercheuse au centre de recherche sur l'industrie, les institutions et les systèmes économiques d'Amiens et auteur notamment des institutions monétaires du capitalisme, la pensée économique de Schumpeter aux éditions L'Harmattan. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Jean-Guilain Meige à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.